ça faisait moins peur dans le noir, forgeant un univers qui semble être idéal. Population de légumes pour un monde moins vocal. Mais ça y est, je suis dedans, je suis devenu un grand. Le monde a changé, presque comme je l'imaginais. À la différence près, c'est un monde embrouillé dans lequel j'ai germé, sur lequel je vais germer. L'avenir n'est pas tout rose. Quel an, mais dont la cause. La fantôme méchance d'animaux et ces climats pas amicaux. Mais je fais, j'en ai marre de broyer que du noir. Et puis en plus, bah c'est mon histoire. J'en fais qu'est-ce que je veux d'abord. Oui, ça y est, je suis dedans, je suis devenu un grand. Le monde a changé presque comme j'imaginais. À la différence près, c'est un monde en beauté dans lequel j'ai germé, sur lequel je vais germer. L'avenir n'est pas tout rose.